Chapitre 19e. Quand M. de Mussidan avait fièrement répondu à Carbonneau qu'il ne confierait sa fille à personne et qu'il lui ferait faire lui-même les 3 heures d'exercice ordonnées, il n'avait pas pensé qu'il faudrait marcher à grands pas. Il n'avait eu qu'une idée, une idée paternelle. Il prenait sa fille avec lui quand il sortait, et comme la petite était convenablement habillée, comme elle était jolie, il n'y avait rien là de désagréable. À qui, cette jolie enfant? Ma fille. Ah, vraiment, elle est tout à fait charmante. C'était par la réflexion qu'il avait compris que cet arrangement était impossible. Un homme comme lui, habitué à se montrer sur les boulevards où il était connu, ne marche pas à grands pas. Il se promène pour se promener. Et il ne s'expose pas, en marchant vite, à ce qu'on croit qu'il va quelque part, qu'il est pressé, qu'il fait des courses. Pour rien au monde, il n'accepterait cela. Qu'il consentît à changer sa démarche, c'était une preuve, une grande preuve de tendresse maternelle qu'il donnait à cet enfant. Mais il mettait une condition à ce sacrifice, qu'il ne s'accomplit pas sous les yeux de tout Paris. Il avait successivement tout perdu, sa fortune, ses relations, le rang qu'il occupait dans le monde. Il n'allait pas maintenant, même pour sa fille, perdre ce qui lui restait de l'homme supérieur, son élégance et sa distinction. S'il consentait à marcher à pas pressés, et il le fallait bien pour la santé, pour la précieuse santé de cette gamine, il voulait que ce fût dans un quartier de Paris où il ne serait pas exposé à être vu par des gens de son monde ou qui le connaîtraient. Cela abrégerait, il est vrai, la promenade pendant laquelle il se montrait sur les boulevards, et ce serait un pénible changement à ses habitudes, qui était sa vie même, le seul moment dans son existence si monotone, si misérable, où il se retrouva l'homme d'autrefois. Mais enfin, il ferait cela pour son enfant. Elle se le rappellerait plus tard avec émotion, avec reconnaissance. Une larme lui mouillerait les yeux quand elle se dirait « Quel bon père était le mien !» Heureux ceux qui font toujours leur devoir, heureux ceux qui le voient toujours clairement, sans que l'égoïsme leur obscurcisse les yeux. Et effectivement, il s'était consciencieusement acquitté de ce devoir. Tous les jours, quand midi sonnait aux horloges voisines, il se levait de table pour partir. Il fallait que Geneviève fût habillée, chaussée à l'avance, et qu'elle n'eût plus qu'à mettre son chapeau et son manteau. Pendant ce temps, il se préparait devant la glace du salon, qu'il prenait pour lui seul, bien entendu, ainsi qu'il convient au père de famille, se drapant dans sa limousine, inclinant son chapeau sur son oreille, dans une juste mesure, de façon à ce que cela fût distingué et non vulgaire, ramenant sur ses tempes, de chaque côté de ses oreilles, les grosses mèches de ses cheveux gris. « Partons, » disait-il. Et qu'elle fût prête ou non, qu'elle eût ou n'eût point embrassé sa mère, il descendait l'escalier sans s'inquiéter de savoir si elle le suivait ou si elle allait le rejoindre. Sur le boulevard, la marche à grands pas commençait, la fille trottinant à côté de son père sans que celui-ci songeât jamais à lui donner la main, ni à lui adresser un mot. Ils allaient ainsi, lui, raide et droit, elle penchée en avant. À la place Moncey, il prenait l'avenue de Clichy et il la suivait plus ou moins longtemps, selon que le pavé sec ou glissant leur permettait de marcher plus ou moins vite. Quelquefois, il s'arrêtait au milieu de Clichy et revenait en arrière. Quelquefois, il poussait jusqu'au pont d'Anières. Mais jamais il ne le traversait, et c'était là un crève-cœur pour Geneviève. Elle eût été si heureuse d'aller chez les limoniers, de jouer avec les poules, avec les enfants de Gros Milor, de se reposer une minute en mangeant une tartine de confiture. Mais son père trouvait cela inutile. Qu'eût-il été faire chez ces gens-là? Il n'avait pas envie de jouer avec les poules. Les enfants de Gros Milor lui étaient indifférents, et il n'aimait pas les confitures. Quant à la compagnie de M. Limonier, quant à échanger avec lui mille amitiés, il n'y tenait nullement. Au contraire, il tenait beaucoup à rentrer au plus vite à Paris, de manière à faire un tour sur les boulevards et à ce que sa journée ne fût pas perdue. Le dimanche seulement, il n'accompagnait pas sa fille dans cette banale promenade. Ce jour-là, l'avenue de Clichy était si grouillante d'un tas de gens endimanchés qui entraient chez les marchands de vin, de femmes en cheveux, de bandes d'amis qui marchaient en troupe, qui chantaient, que cela le dégoûtait. Il se faisait remplacer par la comtesse et s'en allait bien tranquillement aux Champs-Élysées ou au bois se retremper. « Vous savez, disait-il à sa femme, 3 heures de marche, je vous la confie, arrangez-vous pour qu'elle ne souffre pas de mon absence. » Et Madame de Mussidan s'arrangeait, en effet, pour cela. Quand le temps le permettait, elles allaient à Asnières chez leurs vieux amis, et Geneviève avait la liberté de jouer avec les enfants de Gros Milor. Quand il était trop mauvais, elle montait tout simplement au haut de Montmartre, sur les buttes, rue Girardon, chez les amis des Guesfilaires, que Geneviève avait connus en allant jouer avec Odile. Ce n'étaient point des gens brillants que ses amis des Guesfilaire, et cela avait fait que Madame de Mussidan s'était tout de suite liée avec eux. Une mère veuve et son fils, la mère, Madame Faré, une paysanne bourguignonne, qui avait dû être superbe à 20 ans, et qui était encore belle à 40, grande, bien faite, le visage régulier, avec de doux yeux bruns, mais dont l'expression mobile et inquiète s'expliquait quand on savait qu'elle était sourde muette. Le fils, Ernest Faré, un jeune homme de 20 ans, qui avait la beauté de sa mère, mais non son infirmité, car il était doué d'un son de voix qui était un charme. Avec cela, solide comme un paysan, et fier comme si ses pères avaient brillé à la cour. Bon garçon, gai, plus jeune, plus enfant qu'un parisien de son âge. Cet enfant, cependant, gagnait sa vie et celle de sa mère. À 15 ans, il s'était trouvé orphelin, et la succession de son père liquidée, il lui était resté quelques centaines de francs. Comment vivre? Sa mère ne pouvait guère travailler. À quoi est bonne une muette dans la lutte pour l'existence? Pour lui, il était petit clerc chez le greffier de la justice de paix de son village natal, où il gagnait 30 francs par mois, sans la nourriture ni le logement. C'était peu, mais pour ce qu'il avait à faire, c'était payé assez bien encore. Rester au greffe, balayer l'étude, aller à l'enregistrement, bourrer le poêle pendant l'hiver, était à peu près tout ce qu'on lui demandait. Il pouvait employer son temps à lire des livres de la bibliothèque de son patron, et il avait largement usé de cette liberté, non pour les commentaires du code, mais pour les livres de littérature. Son père mort, il fallait, pour faire vivre sa mère et vivre lui-même, ajouter quelque chose, si peu que ce fût, à son mois de 30 francs. Après avoir longtemps cherché, l'idée lui était venue d'envoyer une nouvelle au journal de la localité, s'imaginant, dans son ignorance naïve, que les journaux payent ce qu'on leur envoie ainsi. Cette nouvelle, il l'avait copiée de sa belle main, et en avait presque fait un modèle d'écriture. Puis, avec des angoisses terribles, il l'avait mise à la poste. 3 jours après, il avait reçu une réponse dans laquelle on lui disait de passer au bureau du journal, et là il avait trouvé le rédacteur en chef, qui était à la fois imprimeur, correcteur, lithographe, libraire, pas petit, en train de vendre pour 2 sous de plumes métalliques un gamin des écoles. Cette opération commerciale terminée, le papetier était redevenu journaliste et lui avait dit « C'est moi, le rédacteur en chef de l'Espérance, que voulez-vous ? Je viens pour la lettre que vous m'avez écrite en réponse à l'envoi de ma nouvelle. Comment ? C'est vous, un gamin ? J'aurais dû m'en douter aux fautes d'orthographe. Où avez-vous copié cela, mon garçon ? Je ne l'ai pas copié, je l'ai inventé. Pas possible. Comment cela vous est-il venu ? Contez-moi cela. » L'histoire contée, le directeur gérant, propriétaire et rédacteur en chef de l'Espérance, avait adressé à ce gamin de 15 ans des propositions bien faites pour le tenter. « Vous avez des dispositions, de l'invention, de l'imagination, du style, mais pas pour 2 sous d'orthographe. Vous avez aussi une belle écriture. Je peux vous prendre avec moi. Dans la semaine, vous me ferez de la lithographie, je vous la prendrai. Le mercredi et le samedi, vous me ferez les articles du journal que je vous demanderai. « Je vous corrigerai votre orthographe. Je vous donnerai 80 francs par mois la première année, 100 francs la seconde. » C'était la fortune pour lui. Pendant 4 ans, il avait fait la lithographie et l'Espérance à 100 francs. Au bout de ces 4 ans, le journal, l'imprimerie, la librairie, la papeterie étaient tombés en faillite et le pauvre rédacteur en chef s'était séparé de son gamin. « Il faut aller à Paris, mon petit Faré, lui avait-il dit. C'est là qu'est ta place. Tu as du talent, beaucoup de talent. » Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais écoute mon conseil. Garde-toi des cafés et des camaraderies. Tu perdrais ta saveur et tu ne ferais que ce que font ceux qui t'entoureraient. Tu passerais sous le niveau de leur médiocrité. Ce qui m'a séduit en toi il y a 4 ans, c'était tes fautes d'orthographe et de grammaire autant que ton originalité. Tu as perdu tes fautes, garde ton originalité, ta naïveté. C'était alors qu'il était venu avec sa mère s'établir à Montmartre, dans une petite maisonnette de la rue Girardon. Elle était curieuse, cette maisonnette, comme l'est la rue elle-même d'ailleurs, qui, par une pente raide, non pavée, descend des hauteurs de la butte vers la plaine Saint-Denis. Des murs de soutènement, des palissades, quelques portes, ça et là, et c'est tout. Par ces portes ou à travers ces palissades, on aperçoit des arbres fruitiers, des groupes de lilas, les façades de quelques maisons d'aspect modeste, une rue de village, non de Paris, et par-delà les jardins, des terrains vagues. Au fond d'une des allées couvertes de berceaux de vignes et de houblons ouvrant sur cette rue, se trouve une toute petite maison composée d'un simple rez-de-chaussée avec 3 fenêtres de façade et un toit de vieilles tuiles moussues qui date de 150 ou de 200 ans et qui a dû être construite pour servir primitivement de hangar. Un jardin planté d'arbres fruitiers de lilas l'entoure, et grâce à la pente du terrain, ses fenêtres commandent un horizon immense depuis le mont Valérien jusqu'aux coteaux de Cormeilles et de Montmorency. C'était cette petite maison que Faré, en arrivant à Paris, avait louée pour s'y installer avec sa mère. Ça avait été pour lui une grosse affaire que de quitter sa province pour venir à Paris, une question de vie ou de mort. Malgré ce que son rédacteur en chef lui avait dit, il n'était pas du tout certain que sa place fût à Paris. Quelle place d'ailleurs? Où? Comment la conquérir? Et puis, il n'avait pas qu'à penser à lui. Il n'avait pas qu'à travailler pour lui. Il devait penser à sa mère. Il devait travailler pour elle. Souffrir de la faim et de la misère n'est rien quand on est seul et qu'on a 20 ans, mais quand on est deux. Et celle dont il avait charge était une enfant, sa mère et sa fille à la fois. Depuis la mort de son père, cela avait été pour lui une lourde responsabilité, mais en même temps, cela avait été aussi un soutien, surtout un empêchement à plus d'une folie qu'il aurait entraînée et à laquelle il avait résisté, n'ayant pour cela qu'à penser à la pauvre muette qui l'attendait. Que deviendrait-elle s'il n'était pas là? À qui s'adresserait-elle? Qui comprendrait son inquiétude? Mais à Paris, son souci à l'égard de sa mère s'était changé en une lourde responsabilité. Dans le village, dans la maison, où elle avait vécu entourée de gens qu'elle connaissait, Madame Faré pouvait supporter la triste solitude que lui faisait son infirmité. Elle avait ses habitudes, la société que vous tiennent les choses aimées, le sourire d'un voisin, la gaieté de la campagne, le mouvement des nuages, le balancement des arbres, la fumée qui monte au-dessus du toit d'à côté. Mais à Paris, que ferait-elle dans un petit logement entre quatre murs, elle qui n'entendrait pas le fourmillement de la grande ville et qui serait là plus perdue que dans un bois? Il fallait donc qu'il lui rendît l'équivalent de son village. C'était cela qu'il avait cherché, et c'était pour cela qu'il avait choisi la maison de la rue Girardon, où elle trouverait la vue libre, un jardin cultivé, de l'herbe, des arbres, où elle pourrait avoir des poules, une chèvre, dans une certaine mesure la vie de campagne. Sur les 100 francs par mois qu'ils gagnaient à l'Espérance, ils avaient fait des économies, et surtout grâce à quelques nouvelles qui avaient été publiées par des journaux de Paris, de sorte que, pour s'emménager, ils avaient quelques centaines de francs devant eux qui leur avaient permis d'acheter les meubles indispensables, strictement indispensables à leur installation, et aussi les poules et la chèvre qu'ils voulaient. Si ces nouvelles ne lui avaient pas rapporté grand argent, elles lui avaient permis au moins de se présenter dans les journaux qui les avaient publiés, sans avoir à répondre au garçon qui lui demanderait son nom, la terrible phrase « Je ne suis pas connu ». Mais pour cela, on ne l'avait pas mieux accueilli. « Nous n'avons besoin de personne en ce moment, mais comptez sur moi pour plus tard. » Plus tard, quand plus tard? Il ne pouvait pas attendre et ne rien faire en attendant. Dans un seul endroit, on lui avait fait une réponse pratique. « Qu'est-ce que vous savez? Mais, je veux dire, avez-vous une spécialité? Êtes-vous savant? Non. Êtes-vous ingénieur? Non. Bigre, sortez-vous de l'école normale? Non. » « Vous avez fait votre droit ? Non. Eh bien alors, je crois que j'ai de l'imagination. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre imagination ?» Il était resté décontenancé. En réalité, il ne savait bien qu'une chose, la lithographie. Et on ne lithographie pas les journaux. Peut-être avait-il du talent. Au moins, il sentait que si on lui mettait une plume à la main, il saurait s'en servir. Mais c'était justement cette plume qu'il demandait. « Voyons, je voudrais faire quelque chose pour vous. » Vous avez été élevé au champ, n'est-ce pas? Oui. Vous savez comment le blé pousse? Oui. Vous ne le confondez pas avec l'avoine? Jamais. Vous connaissez les haricots, les pommes de terre, les carottes et le bel oignon? Il se demanda si on se moquait de lui. Cependant, il répondit affirmativement. Eh bien, c'est bon, j'ai votre affaire. Vous nous ferez les halles, les marchés et le bulletin commercial. Vous savez, les suifs sont doux. Les haricots se tiennent. L'huile de colza est très calme. Les métaux sont languissants. Les plombs restent dans la même situation. Vous vous y ferez très vite. Il s'était réellement fait très vite, mais cela n'avait pas suffi à son ambition. Les suifs ne lui étaient pas doux, et les métaux le laissaient languissant. Ce n'était pas pour cela qu'il voulait une plume. Alors il avait vécu de la vie des débutants, cherchant à placer où il pouvait un article, une nouvelle, des vers, une pièce, et c'était en courant les journaux et les théâtres qu'il avait rencontré l'aîné des Guesfilaires, Lutan, qui faisait pour sa musique ce que lui-même faisait pour sa littérature. De ces relations entre deux jeunes hommes confiants et enthousiastes était résultée une intimité amicale. Faré était venu chez les Guesfilaires et Lutan, avec son frère et ses sœurs, avait été chez Madame Faré. car ce n'était pas pour cacher sa mère qu'il l'avait logée sur les buttes Montmartre. Il n'avait pas honte d'elle, ni parce qu'elle était une paysanne, ni parce qu'elle était muette. Au contraire, il était heureux qu'on vît comme elle était bonne, comme elle était tendre, comme il s'aimait. C'était ce sentiment qu'il avait fait inviter Madame de Mussidan à venir quelquefois, le dimanche, rue Girardon, avec sa jolie petite fille qui, sans doute, serait heureuse de courir librement dans un jardin, de boire du lait de chèvre qu'elle traiterait elle-même si elle pouvait. Et de fait, Geneviève avait été très heureuse des quelques heures qu'elle avait passées là, qui, pour l'exercice, valait bien celle où elle trottinait derrière son père dans la boue de l'avenue de Clichy. C'était très amusant, ce jardin en pente où l'on dévalait toute seule quand on était lancé, et où personne ne vous arrêtait comme chez les limoniers, à cause des estatues. Très amusante aussi, la chèvre, qui avait bien voulu se laisser traire par elle, quoique cela eût été joliment difficile. Très drôle, des ailes de moulin qui se trouvaient dans la pièce où se tenait habituellement Madame Faré, et qui se mettaient en mouvement quand du dehors on tirait la sonnette. Elle n'avait pas besoin de sonnette, Madame Faré, puisqu'elle n'entendait rien, et ce moulin qu'elle voyait tourner sur la muraille ou se refléter dans la glace lui disait que quelqu'un était à la porte d'entrée. Bien que Geneviève n'eût pas pu lui parler, ou peut-être même justement parce qu'elle ne lui avait pas parlé, elle avait éprouvé un sentiment attendri de sympathie pour cette pauvre femme aux yeux si doux, toujours en mouvement, qui la suivait, qui la caressait comme ceux d'un chien, qui a l'air d'avoir toujours tant de choses à dire. À un certain moment, elle avait demandé à Faré, à M. Ernest, comme elle disait, de lui enseigner le langage des sourds-muets, et avec sa facilité habituelle de compréhension, elle avait vite appris cet alphabet, assez bien au moins pour qu'elle pût en parlant dire avec ses doigts à Mme Faré « À bientôt, madame ». Elle avait fait cela si gentiment que la pauvre femme, qui n'était pas habituée à voir les enfants s'occuper d'elle, l'avait embrassée, tout émue. Le « bientôt » de Geneviève s'était réalisé le dimanche suivant, et cette fois, elle ne s'était pas moins amusée que la première. M. Ernest lui avait préparé deux surprises. La première, un jeune cochon d'Inde qui lui avait donné en disant qu'on le gardait en pension rue Girardon à cause du jardin, avec qui elle avait joué, l'embrassant sur ses petits yeux noirs qu'elle trouvait si purs, si vifs, noirs et brillants comme des clous de jais, et qu'elle avait baptisé M. Quick-Quick. La seconde, une balançoire fixée à deux arbres et sur laquelle elle s'était balancée, assise d'abord et longuement, comme s'il n'y avait pas de plaisir plus doux, puis ensuite, debout, avec M. Ernest, ce qui était bien plus amusant encore, car on allait plus haut.